Que fait l'État quand il y a des problèmes chez toi? Ils nous exploitent avec leurs promesses. J'encule la droite, sur ma gauche, sur ma droite. Lève-toi, nique les tailles, nous exploite. Pas les couilles de la gauche, j'encule la droite, sur ma gauche, sur ma droite. Lève-toi, nique les tailles, nous exploite. Pas les couilles de la gauche, j'encule la droite, sur ma gauche, sur ma droite. Lève-toi, nique les tailles, nous exploite. Pas les couilles de la gauche, j'encule la droite, sur ma gauche, sur ma droite. Lève-toi, nique les tailles, nous exploite. Poto, nique l'État, tu pourras pas dire qu'on a rien fait. Bienvenue où le paroxysme est à l'extrême, un jour un marqué à la craie. Mafia africaine, on prend les devants. Réveille les frères qui ont un trou dans l'estomac. Trop mal vu que la France a trop mat. Dans le besoin, deviennent tous dealers au chroma. Si c'est ton cas, reçois ton maire avec un cage au tomate. Gros, je te fais une remarque. On touche le RMI de 25 à 50. Certains remplissent les comptoirs des bars. Les cerveaux disjoncts, y'en a qui vident les comptoirs des banques. D'autres font des grimpettes dans les pafs pour 10 grammes de jonc. Les gens pètent un boulon, les genoux nous gagnent du terrain. Les gens t'en allument pour bientôt, y'a plein de billes sous terrain. Sur terrain, les condés, pleine discrimination, déterminés. Ça devait être des enfants battus étant minots. On va tous vous contaminer, on a plus la hache que. Si t'as déjà baissé les bras, c'est le moment de te racheter. Nique l'État et nous exploite jusqu'au fin fond du Pas-de-Calais. Tout le monde avec moi, j'm'en balais. J'm'en bats les couilles de la gauche. J'encule la droite, sur ma gauche, sur ma droite. Lève-toi, nique les tailles, nous exploite. Bats les couilles de la gauche. J'encule la droite, sur ma gauche, sur ma droite. Lève-toi, nique les tailles, nous exploite. Bats les couilles de la gauche. J'encule la droite, sur ma gauche, sur ma droite. Lève-toi, nique les tailles, nous exploite. Bats les couilles de la gauche. J'encule la droite, sur ma gauche, sur ma droite. Lève-toi, nique les tailles, nous exploite. Dans mon parti, j'suis pas seul, tous rappés dans un linceul. Voyou, je ne connais pas la gêne, l'esprit de revanche dans les veines. C'est pour tous mes dollars. Éternel débrouillard, roule sans les phares dans le brouillard, un coup à se brûler les ailes. J'ai pas de bruit quand je rentre, mais je casse tout avant de sortir. C'est niqué ma togite et c'est le champ de tir. J'prends des notes, baisse le proc, pur produit de cette époque. J'veux des plaques, j'suis 9-4 et j'ai ce qu'il faut dans mon proc. L'état cloupe pas, des innocents y'en a des tas. Arrive-le dans ma tour, d'Orly jusqu'à. Qu'un fri dans ce pays policier. Le dégoût, le stress, les patrouilles se pressent vers la foule. Ça fouille, ça oppresse. J'en ai pire, car d'où je viens, c'est pire qu'en bas. Je lève mon doigt, j'encule l'état. Je baisse votre loi, votre justice n'est pas pour moi. Ton état, je le tends, je le baisse. Je suis chaud comme la brève. Moi, je chante pas la Marseillaise et dans notre équipe, on est safe. Moi, je chante pas l'autorité. Les RG, la DST. J'encule les keufs, c'est CPD qui creux même la sécurité. Je pas les coups de la gauche. J'encule la droite, il nous espoire. Sur ma gauche, avec moi. Lève ton droit pour l'extrême droite. Qu'est-ce que l'état a fait pour toi? Toujours les mêmes qu'on monte du doigt. Je m'entends qu'avec les mecs comme moi qui pensent comme moi qui baissent l'état. Choix à corps comme aux lycées. Qu'est-ce que des familles, leur logement? Ces fils de pute de politique. Ton argent du gouvernement, bah ne baisse pas les bras. On les baisera comme dit Tota. Un par un, du plus bas, au par un. Donc sur moi, toujours par haut. Nique l'état, il nous espoire. Faut survivre, c'est un espoir. On n'a pas la gueule de l'emploi. Qui doit de la gauche à la droite, ces bâtards tapent tous dans la caisse. Ils méritent que le club ma caisse. On les roule tous à l'essence, gros, depuis notre adolescence. Ils nous envoient dans tous les sens. J'ouvre ma gueule, dis que je m'en bats les couilles. On voit les couilles de la gauche, j'encule la droite, sur ma gauche, sur ma droite. Lève-toi, nique les tailles, nous exploite. On voit les couilles de la gauche, j'encule la droite, sur ma gauche, sur ma droite. Lève-toi, nique les tailles, nous exploite. On voit les couilles de la gauche, j'encule la droite, sur ma gauche, sur ma droite. Lève-toi, nique les tailles, nous exploite. On voit les couilles de la gauche, j'encule la droite, sur ma gauche, sur ma droite. Lève-toi, nique les tailles, nous exploite.